Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. Ben, on a annoncé hier une belle annonce à Saint-Félicien hier, c'est que Produits Forestiers Résolus devient le partenaire ou le commanditaire majeur de Marie-Anne Saint-Gelais. C'est son premier commanditaire majeur pour la patineuse de Saint-Félicien. En entrevue sur les ondes de danseresdesport.com ce matin, elle a confié que ça avait été une très belle après-midi. On a annoncé hier, comme tu as dit, ben, c'est des gens de ma région, donc beaucoup de fierté, autant de ma part que de leur part. Il y a eu une belle réponse des médias, une belle réponse aussi des jeunes du patin qui sont venus. Fait que oui, ça a donné vraiment un bel petit après-midi, là, je pense, tranquille pour annoncer ce nouveau partenariat-là. Et dans un autre ordre d'idée, Marie-Anne Saint-Gelais a mentionné qu'elle n'aura pas de soucis financiers pour l'avenir. Ben, c'est clairement aussi le point important de ce partenariat dans mon cas à moi. Exactement comme tu as dit, notre réalité d'acteur amateur n'est pas toujours rose. Puis, rendu à un niveau où je suis rendue, il y a peu de choses qui peuvent maintenant aider à ce que j'atteigne la perfection, que j'atteigne les plus hauts sommets. Mais l'argent en est toujours une. Donc, je pense que pour les trois prochaines années, c'est zéro un casse-tête grâce à Résolu. OK, effectivement. Marie-Anne Saint-Gelais a passé un très bel été et elle a maintenant hâte que les activités reprennent et les compétitions. Un bon été, c'est sûr que c'est toujours la même chose un petit peu. Là. On part la machine, on sait là qu'on va chercher les grosses intensités d'entraînement, le gros volume aussi. On a passé l'été à Montréal aussi, donc pas de camp d'entraînement cette année non plus. Donc ça fait toujours un petit peu plus difficile. On aime ça quand le mal change de place un petit peu. Mais écoute, on est content que c'est notre dernier été avant les essais olympiques. Donc, vraiment encore une grosse été. Beaucoup de choses qui ont bien été encore cette année. Donc, voilà, on a très hâte que les compétitions commencent parce que, comme je dis, là, ça commence à être un long stretch. Là, puis, on commence cette année un petit peu de l'entraînement. Parlons de hockey maintenant. Michel Goulet a confié à danradiosport.com qu'il n'avait toujours pas d'emploi. Rappelons que les Flames de Calgary ont décidé de ne pas renouveler son contrat de dépisteur professionnel. Par contre, Goulet s'attend à avoir des débouchés d'ici deux semaines. Il a dit qu'il avait parlé à quelques équipes et d'ici deux semaines, il devrait avoir des réponses. On a parlé également avec l'instructeur-chef des Huskies de Rouyn-Noranda, hier, Gilles Bouchard, sur les ondes de danseresdesport.com. On sait que les Huskies et Gilles Bouchard, ben, il est natif de Normandin. Et dans un premier temps, il a mentionné que, bon, même si les Huskies se sont rendus en finale de la Coupe Memorial, ben maintenant, il faut passer à autre chose. Et c'était le message qu'on a lancé aux joueurs dès le début du camp d'entraînement. On sait pourquoi on a gagné. Fait que il faut juste appliquer la même recette et continuer à jouer la Huskies game. Là, puis vraiment, pas se donner des objectifs trop hauts en début d'année pour rien. Là, puis je pense que c'est important de recommencer. On a une bonne équipe encore cette année. On est très compétitif. Mais je pense qu'il ne faut pas sauter d'être. Transaction importante chez les Marquis de Jonquière, les Marquis qui ont attaqué Jurav Kolnik, qui est de l'équipe de Sorel. Kolnik a déjà joué d'ailleurs avec les Panthers de la Floride. En retour, Richard Martel cède J.P. Corsi. Donc, c'est une transaction importante chez les Marquis. Et en terminant, ben, j'aimerais vous dire que l'Assemblée générale du hockey mineur de Boom-Sisney aura lieu ce soir à 20h au complexe sportif du secteur d'Odolbeau. Ça aura lieu après la période d'inscription. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec l'instructeur Gilles Bouchard et on a parlé également avec Nick Menace, qui est l'instructeur des Cougars de Chicoutimi. On sait que les Cougars, il y a 5 joueurs qui sont natifs de la MRC Mélenchon-Denis, dont le carrière Alex Voisine, qui ont débuté leur saison en fin de semaine. Donc, on a parlé avec Nick Menace là-dessus. Sport local et régional, danseresdesport.com, la référence du sport, on s'en occupe.